Il y a un certain nombre de questions dans la salle. Encore une petite réflexion. Charles Fouret, ex-architecte, marcheur et piéton. Ouais. Et pratiquant centre-ville, animateur et observateur de piétons. Sur plan de campagne, là, on a un peu les mêmes phénomènes dans un peu partout. Et il me semble qu'il y a le même phénomène ici entre Carrefour et la Villeneuve, et Grand Place, pardon, la Villeneuve, donc ici, où il y a des rues qui compensent l'absence d'autres activités dans la ville. Et je pense que les marcheurs, ils viennent peut-être aussi, les marcheurs ensemble, ils viennent là parce que c'est un lieu d'animation et qu'il n'y a plus d'autres rues pour faire ça. Et que ce sont des rues qui ferment aussi à certaines heures. Donc c'est un peu une façon d'amalgamer les gens et de leur faire croire qu'ils sont ensemble. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une façon de refaire la ville. Enfin, on fait des villes qu'on vole aux gens après 22 heures. À 22 heures, on ferme tout, c'est terminé, même plus avant. Et donc, on a supprimé des rues à certains, on leur redonne, mais d'une façon factice, et on leur supprime à certaines heures. Donc, ils font voler des voitures ou tout. Mais cette façon de se déplacer, est-ce qu'il n'y en a pas, il y en a quand même d'autres où on marche ensemble, il n'y a pas que cet endroit-là, je pense. Voilà, c'est un peu la question que je me posais. Je ne fais pas vraiment l'éloge du plan de campagne. C'est un peu terrible sur les zones commerciales. La critique a été tellement forte que dès qu'on sort de la critique, on nous met dans l'éloge. Concrètement, je vais vous dire la vérité, tant que je faisais la recherche dessus, j'y allais avec plaisir. Maintenant, c'est fait, si tu veux y retourner. Mais il y a quand même quelque chose, c'est les enfants. Les enfants, c'est un plaisir, hein, les jeunes enfants. Mais la ville n'est pas faite pour eux, quoi. Donc ça se pense, bien évidemment, mais bon, quand on est jeune père et que la gosse a 2 ans, elle en a 7 et le problème est réglé, on va pas refaire la ville entre temps, donc on va là où ça marche. Quoi. Je dois dire que ça devait être pensé, hein, mais c'est là parce que c'est pensé qu'on est manipulé. Il y a tout un tas d'aménités, d'accessoires qui hébergent, qui accompagnent une très bonne logistique sociale de la migration, de la pérégrination des familles. Les garderies à l'entrée d'IKEA, les petits mini caddies pour que les gosses se jouent avec en même temps que maman a le grand caddie, etc. etc. Donc ça, moi j'ai pas de jugement là-dessus, j'en prends acte. De même que, là je vous en ai fait grâce, mais peut-être que je généralise. Je pars de mes exemples personnels, c'est pas bon pour un sociologue de trop se mettre au centre. L'épreuve du restaurant, cérémonie sociale avec un enfant en bas âge, et pas toujours, c'est pas de la tarte, le pique-nique, comme on dit en anglais très justement. D'où, sans faire de jeu de mots, ces petites inventions de self, et encore le self avec la glissière, ça oblige à prendre la queue, donc la queue est un ordre contraignant, à ne pas oublier quelque chose parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. À être sûr que tout le monde est là, etc. Et les derniers temps, dans les grandes surfaces, vous avez ces entrées dans les grands restaurants, dans les restaurants genre Flunch, etc., où vous avez des plateaux séparés et où il y a le père de famille qui a une espèce de petite carte sur laquelle il peut mettre plusieurs plateaux et il passe seul à la caisse et les gosses sont plus loin et on ne viendra pas les surveiller après. Donc, d'où ces ambiances pique-nique, justement. Pique-nique, d'où ces ambiances aires d'autoroute, alors qu'on est dans. Voilà, toutes ces choses-là. Moi, c'est peut-être parce que j'étais jeune père à l'époque, mais j'ai capté ça. Et je le capte parce que il était question d'aspérité et de porosité, mais comment dire, il y a peut-être une poésie de l'aspérité, mais il y a des aspérités dont on se passerait, quoi. Vous voyez, des fois on aimerait que ce soit un peu lisse et que ça coule, quoi. Mais c'est pas glorieux, c'est pas artiste, hein, je suis d'accord, c'est fonctionnel. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, maintenant, c'est pareil, il y a quand même des tas d'espaces urbains, où le mouvement va au mouvement, il n'y a pas que les grandes surfaces, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Et la vérité, c'est que, c'est bête à dire, ça fait un peu aphorisme. Pas. Mais ça, c'était les recherches de William White sur Discovering the Center. Le mouvement va au mouvement, c'est bon. Et donc, des fois, c'est une bonne chose, quoi. C'est-à-dire que je pense que marcher ensemble, souvent, va avec. Il y a des attroupements, il y a des. Voilà. Et évidemment, les scènes que je décris laissent peu de place à la parade dont il était question ce matin, mais en même temps, c'est pas vrai. Je peux pas développer, mais il y a de quoi. C'est aussi un espace, moi je dirais, de prouesse. Une attention polie de Goffman, tout ça, la discrétion, c'est vrai, mais c'est. Comment dire, c'est comme une sorte de. Le tapis roulant de base des civilités sur lesquelles on peut faire des films. On peut se singulariser, on peut. De même qu'on peut faire des bourdes, on peut faire des délicatesses, même, etc. etc. quoi. On peut paraître. Mais paraître, non pas dans son identité, mais faire paraître des virtuosités, des choses. Moi, je trouve, par parenthèse, je trouve que c'est un peu. C'était très, très bien ce que vous disiez ce matin sur le visible et visibilité. Mais rendre visible quoi? Voyez? Est-ce que c'est toujours l'identité qui est. Je veux dire, la contingence pragmatique, pratique de base du citadin, c'est de rendre visible des intentions, de rendre visible ce qu'il est en train de faire, de raturer de fausses hypothèses, etc. etc. Donc, voilà, c'était juste une incidente qui me permettait de parler pour complètement. J'aimerais revenir sur l'idée de composition de gestes liée à l'émergence d'une ambiance. J'ai trouvé très très intéressant le fait de la dernière citation en fait, que tu as lue, et en même temps le point de départ qui est la référence explicite à Sanso et à Isaac Joseph, Goffman bien sûr, et il me semble que. Un fil conducteur qu'on peut lire à partir de ces auteurs-là, et je pense que tu en fais partie, tu l'as montré cet après-midi, c'est l'attention portée non seulement à la description, mais aussi à la façon de l'écrire et au style d'écriture, au style de description. C'est peut-être un hasard si tu as terminé sur une citation littéraire. Et donc, du coup, je me posais la question si effectivement on se dit que l'ambiance est aussi. La résultante non seulement d'un espace construit, mais aussi de comportements situés, de régimes d'interaction et de sociabilité dans des espaces donnés. Et si effectivement la description peut être un outil ou un instrument opératoire pour essayer de capter des ambiances dans leurs composantes sociales, est-ce que parallèlement à les qualités de description, il y aurait à développer quelque chose qui tournerait autour de styles d'observation? C'est-à-dire que comment est-ce que on est à même non seulement de restituer par le langage et par la description cette composition gestuelle des ambiances dont vous parlez, mais en même temps, est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse qu'il existe, qu'on pourrait travailler à. Est-ce que c'est des techniques, je ne sais pas, à des façons particulières de percevoir et d'observer des comportements qui nous donneraient accès, qui nous permettraient de capter, si on voulait reprendre le vocabulaire, de capter des ambiances en train de se composer à partir de conduites. C'est-à-dire que, est-ce que, d'après toi, il serait intéressant de travailler d'un point de vue méthodologique à de nouvelles façons de capter des comportements in situ, dans non seulement leur dimension pragmatique et, sociale, mais aussi peut-être d'un point de vue esthétique, donc d'une certaine manière, de revenir à la question de l'expression dans la manière même de travailler sur l'observation de comportements in situ. Bien évidemment, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est pas comment dire ça. Moi, ce qui m'aide pour voir des choses, indépendamment de mes supports visuels, des médias, du film, c'est quand même un principe de perspicacité goffmanien qui est celui de l'horizon d'offense, des faces, de l'excuse, etc., des parades réparatrices. Une fois qu'on a ça en tête, on voit plein de choses. Maintenant, vous êtes obligé de me croire. C'est pour ça que j'essaie d'être convaincant, etc., etc. Et ça serait peut-être pas mal si on avait des matériaux tiers qui permettraient d'en juger. Ce matin, j'ai saisi la balle au bon et j'ai parlé de cette observation que j'ai faite avec la troupe de Bernard Menot. Et j'en ai parlé avec François Lejoux, qui est vidéaste et qui travaille à l'école d'art à Aix. Et je lui ai décrit la parade que j'avais vue. Peut-être que je l'ai rêvé, cette parade. Je préférerais la voir réellement sous les yeux. Mais lui, il ne l'avait pas vue. Il a plein de matos. Il ne sait pas qu'il ne l'avait pas vue. Il l'a peut-être dans son matos. Mais il n'y avait pas pensé. Donc, je veux dire, il faut qu'on ait des quand même des principes de perspicacité. Moi, j'en ai. Je ne veux pas en faire le seul. Mais il se trouve que le principe de perspicacité goffmanien qui met la possibilité de l'offense, même pas grave, même mineure, etc., au centre, s'embarras de civilité, je trouve que c'est pas assez pratiqué. Moi, j'ai pas d'étudiants, parce que c'est comme ça, à Aix, je suis en fin de filière, il n'y a personne qui vient, donc si, après j'ai des collègues au niveau national. Mais tout cette. Mais par contre, ce que je pense, c'est que effectivement, des observations filmographiques seraient capitales. Et je passe pas à l'acte, et vous le faites bien mieux que moi. Je racontais tout à l'heure que j'ai fait un film, tout est pour tout, enfin, j'ai fait 45 minutes de film. À l'installation de cristaux de Gates au Central Park. Et par raccro, c'est Michel Jollet qui m'a passé sa caméra. Et puis Stéphane Tolla, que certains d'entre vous connaissent, m'avait dit ouais, tu vas filmer comme ça, fais pas de zoom, fais attention parce que quand tu parles, ça s'entend, etc. etc. Bon, alors, je débarque à Central Park, je fais pas de. J'étais inquiet comme ce matin, je me disais ben, je ne vais pas oser filmer tout ça. L'installation de Christo, c'était. Tout le monde avait une caméra, je veux dire, c'était ceux qui n'avaient pas de caméra, soit photo, soit qui étaient des graves. C'est shooting gallery, ça allait dans tous les sens. Quoi. Donc je commence à filmer et tout, et tous les gens se filmaient, alors ils se filmaient leurs proches, bien évidemment, mais au bout d'un moment, ils se filmaient quand même les uns les autres. Et donc je vois deux jeunes filles qui passent un peu au loin, donc je les filme et tout ça, et sans évidemment leur demander leur avis, hein, mais il y en a une qui quand même pour marquer le coup me fait à 20 mètres de distance, elle me fait. Voilà. Et donc Serge, tu crois qu'on t'a pas vu, mais c'est pas vrai, on t'a vu, me voyant. Et, 1-0, balle au centre. Et puis, bon, rien. Donc je continue à filmer. Puis après, quand je revois mon film, je vais direct sur cette scène pour voir comment ça s'est passé, pour l'opposer à d'autres. Et là, à ce moment-là, la caméra, elle parle. Et c'est ma voix. Et elle dit, you got me. Et je ne me suis absolument pas entendu le dire. Parce que c'était dans la réciprocité du truc, quoi. Alors, je pense que... Alors, je dois... Ça, de ce matin, oui. A un effet blow-up. Il y a un effet blow-up dans le... Je ne sais pas, mais vous qui pratiquez ça, devez le voir. Et moi, je sais que... Donc, voilà. Il y a peut-être d'autres clés d'entrée. Moi, je ne veux pas apparaître comme maniaco-griffmanien, etc. Mais je vous ai dit que j'étais quand même un peu militant de la chose. Je suis un peu prosélyte et j'essaie quand même de faire sortir le maximum. Mais bon, je prétends pas l'imposer non plus comme la seule clé de vérité. Moi, c'est un truc qui me fait voir des choses. Maintenant, voilà, j'ai peut-être des idées. Je voulais prendre la défense de ma voisine à la région. Je peux me permettre, parce que lors de sa thèse, j'étais rapporteur, donc j'ai été assez critique. Par rapport à ce que tu as dit de l'intention, parce que tu as alors c'était un vieux souvenir de la. Un vieux souvenir, peut-être cette sémiotique structurale, ou en tout cas celle d'une signification intentionnelle. Alors, précisément, est-ce qu'un régime de visibilité va être toujours lié à une intentionnalité? Tu ne l'as peut-être pas dit, mais je sentais ça. Alors, moi, je ne suis pas sûr, justement, parce que je pense qu'il faut remonter, et c'est là qu'on revient sur les ambiances, à un an de ça. De l'intentionnalité et en allant de ça de la volonté de communication et il faut peut-être revenir tout simplement sans compliquer beaucoup plus les théories à une dimension originaire de toute présence. Tu as parlé de co-présence, mais chaque présence et des co-présences, tout simplement d'un se montrer, et un se montrer c'est une dimension originaire d'une présence dans un espace et dans un temps donné dans ce présent. Dans l'ici maintenant. Toute éthologie animale nous montre ça. Ça c'est intéressant qu'on développe une éthologie un peu plus, d'ailleurs, ça a été fait comme ici ou là, hein, dans se montrer, et qui est fondamental justement à ce qui va se passer quand on n'est pas justement dans l'intentionnel, quand on est dans le pré-catégoriel. Le se montrer, si tu veux, il est déjà là. Il est déjà là, dans la présence, dans un espace. Alors, je me demandais justement, par rapport à ça, si le fait que les gens ils viennent là le dimanche n'est pas tout à fait indifférent. Est-ce qu'il y a une différence entre le dimanche, outre la densité de population dont tu parlais, est-ce que la composante le dimanche, le jour où on fait rien d'autre que faire un truc, aller se balader, en même temps faire un peu de chalandise, mais il y a peut-être moins la finalité chalandise, surtout dans le comportement familial, que les autres jours de la semaine. Alors, du coup, c'est pour ça que je fais le raccord par rapport à ça, il y a peut-être simplement se montrer ensemble, se montrer mutuellement, et qui est un ordre de l'expression originaire simple, qui est le fait qu'on est là, et que c'est pas n'importe quoi, absolument n'importe quoi, le neutre d'être là. Voilà pourquoi je pense que sur les régimes de visibilité, il faut peut-être remonter encore en deçà de cette idée de l'être vu, de voir être vu, de se montrer ensemble, être vu par les autres, en termes de groupe, hein, de solidarité de groupe, et que peut-être si on tire le fil des ambiances que tu indiquais, il faut peut-être revenir à quelque chose de plus lié à la présence simplement phénoménale dans l'espace, et qui peut être tout à fait partagé, collectif, dans le cadre des co-présences. Voilà. Non seulement j'entends, j'enregistre, je prends acte, mais en plus je ne déduis pas ça d'un schéma que je dirais. Non, mais ça tu peux le retrouver dans Goffman, parce que non, voilà. Mais j'entends et j'y suis sensible et d'une certaine manière, dans mes périodes de terrain, on a des choses comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a un quiz dans un truc qui s'appelle l'arsenal des galères, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça, c'est la B, je ne me rappelle plus. Un truc très Disney. Et il y a un jeu, quiz, le cinéma et tout. Et quand, et on a une belle photo d'ailleurs, là. Quand quelqu'un trouve la réponse juste, en l'occurrence c'est une jeune femme qui aurait pu loger, donc un photographier, elle monte sur la table, mais sur la table de son groupe, parce que c'est son groupe qui qui a remporté l'épreuve. Et donc, le se montrer, montrer qu'on est un ensemble, oui, complètement, complètement d'accord. Complètement. Et en deçà de l'intentionnalité ou en deçà de la raison d'offense, c'est non, je prends peut-être ta remarque vraiment au sérieux. Oui, si vous me permettez une question un petit peu naïve, dans votre exposé, donc vous avez présenté ce qui se passait au niveau de plan de campagne, et vous terminez, somme toute, en lisant un texte qui se rapportait au démarrage d'une fête qui, globalement, était assez éloignée de la situation précédente. Donc, j'enchaîne un petit peu là-dessus. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe à Grenoble maintenant, sans doute que là aussi, il y a des effets de grandes surfaces, de grandes zones commerciales qui ressemblent à ce que vous avez présenté. Mais si on se projette dans le passé, les endroits où les groupes se concentraient, en particulier le dimanche, entre deux guerres, sans doute avant la guerre de 14, c'était la place de Grenette et puis l'avenue Jean Jaurès, avec ce qui s'appelait à cette époque-là le Mail. À l'heure actuelle, il y a d'autres choses qui ont persisté, comme par exemple la foire de Grassan, où il se passe la même chose que je crois que ce que vous avez décrit. Et puis, il y a d'autres choses qui se créent. Par exemple, des choses, curieusement, qui s'appellent des vides-greniers, c'est-à-dire où là aussi il y a un support commercial, et puis plus tellement d'autres manifestations. Est-ce que, entre la situation que vous avez étudiée et ces autres situations-là, vous pensez que ça relève d'une même typologie, ou est-ce que vous dégagez des différences fondamentales dans les comportements entre toutes ces situations ? C'est pas tout à fait mon objectif, c'est-à-dire que une fois que j'ai dit ce que j'ai dit, que j'ai mené les analyses que j'ai menées, je pourrais poser la question de savoir en quoi ça me permet de situer cet espace par rapport à d'autres. Je ne suis pas allé jusque-là, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait une commande pour travailler sur les espaces commerciaux, ça prenait en plus la suite de quelque chose qu'on avait écrit donc, il y a 15 ans avec... avec Sylvain sur ce qui s'appelait la civilité tiède, ça allait un peu plus loin. Et dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était quand même cette histoire du marché ensemble. Mais non pas parce que ça serait différent à un plan de campagne qu'ailleurs, etc. Je ne suis pas allé jusque-là, quoi. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne fais pas une typologie des espaces selon ce critère-là. Je me contente un petit peu de. Enfin, ce qui suffit à mon bonheur, mais ça ne devrait pas me suffire, ça serait de dire tiens, mais quand même, dans tout ce qui s'écrit sur la marche, c'est toujours pris d'un point de vue d'un individu singulier, ce qui est certes le cas, mais on ne fait pas trop attention au fait que il y a d'autres cas de figure. Quoi. Donc je ne vais pas plus loin, et alors je fais un éloge relatif, parce que je dis oui, quand même, il se passe des choses entre. Voilà, je ne vais pas plus loin. Par contre, alors sur les ambiances, c'est une proposition complètement aventureuse. Parce que bon, j'ai eu récemment, puisque d'ailleurs, à l'occasion de venir, Rachel Thomas m'a envoyé le travail du Cresson qui s'appelle Ambiance en débat, dans lequel je suis rentré, et où je vois qu'il y a des questions qui se posent. Et qui sont par exemple la question de savoir si on peut parler d'ambiance en dehors du cas de la fête, mais est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas dans quel désert pour la fête on peut parler d'ambiance, mais est-ce qu'on peut parler d'ambiance hôpital, en fait, des choses comme ça, est-ce qu'on peut parler d'ambiance relativement neutre, est-ce qu'on peut parler de... Donc je risque ça, quoi. L'ambiance tienne, comme on disait, civilité tienne, et puis dont je pense qu'elle a à voir avec avec les gestes, et d'une certaine manière, je risquerai dans votre débat interne, je risquerai la proposition, mais je sais qu'il va y avoir un colloque là-dessus, qui est que peut-être qu'on parle d'ambiance d'autant plus facilement que cette ambiance peut être performée par des engagements gestuels ou expressifs, etc. etc. Donc c'est ça que j'ai en tête. C'est pas un dernier mot, ça c'est vraiment un mot pour connecter, pour faire que ça colle entre nous, comme dit dit Pascal Enfou qui dit que je t'aime, c'est toujours ça colle. C'est ça. Ça corde. Voilà quoi, c'est moi tout d'un coup ça me fait réfléchir quoi, réellement quoi. Et c'est pour ça encore une fois que je vous remercie, c'est-à-dire que si j'écris le truc que j'ai écrit là sur les ambiances relativement neutres, c'était très déterminé de manière critique de la critique, c'est-à-dire je disais parlez pas trop vite de grégarité parce que ça, et de grégarité dans la marchandise, ça va comme ça. Parce que les rushs que j'ai sur le cristaux, si vous enlevez ce qu'il y a autour, le flot processionnel, pour processionnaire, il est le même à plein de campagnes que à Central Park. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça quoi. Donc, j'avais écrit ça un peu pour ça. Maintenant, en me disant, je pensais au série, je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait pas travailler là, oui, filmer, justement, comme tu disais. Voilà. Donc, je réponds pas vraiment parce que ça me répond. Moi, je me demandais, en fait, pourquoi... comme ça existe dans le marché solo, il existe des flâneries sans objectif. Pourquoi dans le marché ensemble, il n'y a pas de flânerie sans finalité? Ce matin, j'ai parlé de road movie parce que ça m'intriguait justement. Là aussi, bénéfice d'être venu ici. Et même si je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant en fin de matinée, ça, au moins ça force à penser. Et je me disais, mais est-ce qu'il est si sûr que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des promenades collectives, effectivement, mais André travaille là-dessus. Donc, je ne sais pas, mais effectivement, il y a peut-être... Je ne peux pas dire plus, d'une certaine manière, mon road movie était fait pour ça, là, ce matin. Mais je ne peux pas en dire plus. Est-ce qu'on peut créer des espaces qui poussent à ça? Je pense au réaménagement des berges, qui est des berges de nouveaux villes. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des espaces qui seraient propices à ça? C'est une question. Vous entendez pas? Non, moi, je me posais la question de savoir si à l'heure actuelle... Madame la Présidente. C'est une question, je réfléchissais à haute voix, je me posais la question de savoir si on n'était pas en train d'inventer des espaces qui pousseraient à ça, justement à la promenade à plusieurs, qui restent quand même limités dans des espaces-temps un peu particuliers. Je pense notamment à tous les travaux de réaménagement des berges sur un certain nombre de grandes villes, je pense à Lyon, je crois que ça a été fait sur Genève aussi. La fermeture des berges de misère, par exemple, dédiée à la promenade. Les bassins de la Villette. Voilà, je pense à ce genre de choses. Alors là, d'un point de vue, là, je ressors les cartes que je vois mienne, hein, il n'y a pas que ça. C'est un art de faire une promenade ensemble. Hein. C'est un peu par ça que j'ai commencé, c'est-à-dire qu'on dès qu'on marche ensemble, c'était le truc de Margaret Gilbert, on est sujet de droit et de devoir par rapport à des attentes. Il y a des choses, des petits dommages qui peuvent être créés et qu'il faut rectifier. Et elle a un truc très bien là, dans ce bouquin sur le marché ensemble. Il y a juste un chapitre sur le marché ensemble et elle dit, bon, quand on marche ensemble, il y a ça. Et puis très vite aussi, il va se mettre en place des conventions. C'est assez minimaliste, et donc j'aime bien. Comme par exemple, quand on marche ensemble, la question de savoir qui pilote. Très vite, quoi. Parce qu'il y a ce cas de figure célèbre dans lequel l'un croit que l'autre sait où il va, et l'autre croit que l'un sait où il va, et donc tout le monde va, là, etc. C'est un paradoxe assez intéressant. Mais alors elle ne parle pas de ça, mais elle dit très vite, il y en a un qui va prendre l'initiative, mais de manière tacite. Et puis, parce qu'il va dire passer à droite, passer à gauche, et puis l'autre va, autant T plus 5, il va dire non, c'est à droite, il va de lui-même prendre l'initiative d'aller à droite, et l'autre va se retourner en disant je croyais qu'il était entendu entre nous que c'était moi qui avais l'initiative. Et donc cet ajout par petites touches de convention. Donc, on fait des promenades ensemble, même sur les berges aussi. Quand on fait de la randonnée, on en fait ensemble aussi. Et après, il faut être sûr qu'on a les mêmes conventions esthétiques et qu'on a, par exemple, un réglage du flux verbal au minimum, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on peut s'acculturer réciproquement et le faire. Donc, on peut flâner ensemble, bien évidemment. Je voulais juste revenir sur la phrase « marcher ensemble » avec l'impression que ça marche bien si il y a un grand tiret entre les deux mots en même temps. Parce que comme si le mot « ensemble » était une question d'attente du sens. Et par là, moi je pensais à Blanchot quand il parle de l'attente. Comme cadrage du sens. Souvent, on perçoit l'attente comme une dimension émotionnelle, affective, passive, dépendante. Et moi, je me demande si dans la construction du sens, l'attente, c'est pas aussi une pré-construction comme le cadrage dans la photographie au cinéma. C'est-à-dire que je par là, l'ensemble prend pour moi presque la place du mot attente. C'est-à-dire, dans le fond, un avant et un après dans l'observation, ce qui permettrait d'avoir un retournement méthodologique par rapport au sens. C'est par là que, si on est dans l'attente, on suit un processus qui est en marche, mais le cadrage avec lequel on préfigure sans savoir exactement ce qu'on cadre, il y a un ensemble qu'on cadre, permet finalement de ne pas être dans une réception naïve, quelque chose qui est construit comme quelqu'un qui est un film. Et on ne sait pas très bien ce qui va apparaître dans le cadre et à côté du cadre. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu de cette peur de retournement méthodologique sur le sens qu'on récolte. On est très bien interprété dans un ensemble comment chaque événement interroge cet ensemble, est valide ou invalide. Bah, je ne sais pas, mais est-ce que ce que je veux dire ne vaudrait pas comme élément de réponse? C'est-à-dire que ces petites couches de conventions qui s'affairent et qui se surajoutent et qui spécifient justement et travaillent les attentes. Quoi. C'est-à-dire que il y aurait comme un filon de. Ce serait ça, vivre ensemble d'une certaine manière. Ça serait préciser les attentes. Je sais pas. Une dernière question. Oui, une dernière question. Oui, Bruno Pessin, je travaille à l'Agence d'urbanisme des Ponts, je travaille beaucoup sur le sujet des espaces publics, soit pour la programmation, soit l'évaluation. Et en vous écoutant, je faisais référence à deux études qui ont marqué un peu l'agglomération lyonnaise, une qui s'est tenue en 1984 avec Catherine Forêt et Pascal Lalou sur la rue de la République, et puis une plus récente, peut-être moins connue, de Jean-Marc Bertet, qui comparait les conduites de groupes de jeunes à la Part-Dieu et dans la rue de la République. Et il me semblait que, alors, ce n'était pas le thème de la marche, mais plutôt le thème des conduites, et il y avait tout un aspect qui était, que vous ne développez pas, vous présentez une sociologie de la régulation, avec effectivement les parades réparatrices, etc. Or, dans les pratiques des espaces, que ce soit commerciaux, soit centraux, soit sur les nouveaux grands boulevards que sont les berges des fleurs, il y a aussi des pratiques d'incivilité, de provocation, de transgression, de passage à la limite, et ça, nous en parlez absolument pas. Alors, est-ce que ces plans de campagne, qui est un espace familialiste, régulé, inconflictuel, dans lequel la marchandisation va permettre de mettre toutes les aspérités, ou est-ce que c'est un autre champ de recherche? Est-ce qu'on distingue la sociologie des conduites de groupe de la sociologie de la marche? J'aimerais bien trouver des références ailleurs que chez Goffman, mais je suis désolé. C'est le début des relations publiques, chapitre sur les normes de conjonction. vous montre tout le réseau serré de prescriptions normatives, de régulations. Et il dit évidemment, avec tout cet arsenal de règles, il y a toute latitude pour ceux qui veulent se livrer à des assauts de caractère. Ils ont tout faire un incident à partir de rien, et ça peut dégénérer. Donc il se trouve que là, j'en parle pas, mais c'est quelque chose que j'ai. Et de fait, à mon campagne, il n'y a pas ça, mais il y a quand même eu un mort, tout fait par un gardien. Enfin, c'est certainement une bavure, quoi, mais il n'y en a pas. Parce que c'est un espace très tenu d'une certaine manière, parce que précisément il n'y a pas de transport en commun, donc on peut bloquer les entrées. D'ailleurs, c'est un espace très dangereux d'un point de vue des normes, des risques, incendies, etc., etc., inondations. Il y a pas de... Et donc, c'est un espace qui est sans fuite, je veux dire. Donc, et de fait, c'est un espace assez pacifique. Et donc, il y a des joutes. Mais il n'y a pas ce qui vient de se passer ici. Il y a des joutes, mais qui restent dans le verbal, dans la démonstration, dans la prouesse. Mais je suis désolé, en tout cas, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui taraude beaucoup de gens qui sont à peu près sur mes sensibilités sociologiques, c'est-à-dire. Comment, à partir d'une pensée qui est une pensée assez auto-organisation du social au niveau micro, comment penser la justice, comment penser les conflits, comment penser la violence, etc., etc. Et là, je peux pas l'aborder, mais soyez sûr, j'ai écrit des trucs là-dessus. Mais là, je ne peux pas.